Ici Valérie Levé au micro de CKRL 89.1 et c'est parti pour une nouvelle excursion à travers la science avec Futur Simple. Les changements climatiques se manifestent avec des sursauts de température, des pluies violentes et autres événements météorologiques intenses. Et ils sont parfois des conséquences sur l'agriculture, sur la sécurité alimentaire et donc l'insécurité alimentaire. Cette insécurité alimentaire se répercute sur la santé mentale. Ce sera notre sujet à 18h30, mais pour le moment, nous partons explorer un tout autre domaine, celui des biais cognitifs. Et pour en parler, je suis très heureuse de recevoir Benoît Béchard. Il est docteur en psychologie de la décision et chercheur au laboratoire CODOT à l'Université Laval. Bonjour Benoît. Salut Valérie, comment ça va? Ça va très bien, puis je suis vraiment très heureuse de t'accueillir au micro de Futur Simple. Ah oui, on va dire aussi. Que je t'ai piqué aux matins éphémères. Ouais. À oui. Caroline Stephenson, oui. Donc les auditeurs, auditrices qui écoutent les matins éphémères le matin vont peut-être reconnaître la voix de Benoît. Ah non, ça me fait plaisir d'être là, Valérie. Alors ce soir, je te propose, on va parler des biais cognitifs, oui. Un sujet, on entend parler des biais cognitifs mais on ne sait pas trop ce que c'est, on entend parler du biais de confirmation, oui. Mais là en fait avec toi ce qu'on va faire ce soir, j'y tiens ce matin mais non, nous sommes ce soir, c'est parce que d'habitude on le voit le matin, c'est pour oui. ça. Oui, tout à fait. Donc ce qu'on va faire ce soir c'est décortiquer un peu comment ces biais s'installent dans notre tête et comment... cette complexité de la vie, de notre environnement, nous amène à faire des raccourcis que sont ces biais tout cognitifs. À fait. Ouais. Alors, je te laisse commencer un petit peu pour expliquer cet environnement qui nous induit à faire ces biais. Ah, c'est vraiment important, ça, de lorsqu'on s'attarde à un sujet comme les biais cognitifs, les biais dans la prise de décision, de parler d'abord de l'environnement dans lequel on prend ces décisions-là. Parce que si on parle tout de suite, bon, il y a tout un tas de biais, effectivement, il y en a plein, il y a des inventaires, des codex qu'on appelle là, sur le web là, de biais, il y en a des centaines, des biais cognitifs. Mais pourquoi l'être humain hein, passe à travers dans ces processus décisionnels, en arrive des fois des décisions qui sont biaisées? Alors, au départ, nous, en sciences cognitives, puis avec notre équipe au laboratoire CODOT à l'Université Laval, on s'attarde aux environnements de décision du monde réel. Hein? Mm-hmm. C'est quoi les environnements de décision du monde réel? C'est des environnements qui sont complexes. Alors, la complexité, c'est quoi? C'est des environnements qui ont beaucoup, beaucoup de variables. Hein? Il y a plein de facteurs qui interagissent entre eux. C'est dynamique aussi. Hein? On va prendre une décision, par exemple, aujourd'hui, puis demain, ben, elle va avoir probablement un autre effet. Mm-hmm. Même si on aura eu à ne pas... Même si on n'est pas réintervenu, il va y avoir des effets quand même, etc. Alors, ça bouge. Ça mm-hmm. bouge. C'est dynamique. C'est pas statique, hein, mm-hmm. l'environnement de décision du monde réel. C'est, à certains égards, opaque aussi. Hein? Il y a de l'opacité. Dans le sens où, quand on prend une décision, on a certaines brides d'informations, mm-hmm. mais on n'a pas accès à toute l'information qui serait pertinente pour prendre notre décision. Et ça, c'est normal, c'est l'être humain qui est comme ça. Hein? On a mm-hmm. une capacité cognitive assez limitée, hein? mm-hmm. à certains égards, expert ou non expert. Donc, il y a une certaine opacité dans notre environnement. Puis finalement, un mot élégant là, qu'on utilise souvent, la polytélie. Hein? Ah, c'est quoi ça? Moi, je l'utilise pas souvent, je ne connais pas. Non, ben, c'est ça. Je suis tout seul à utiliser ça, dans le fond. La polytélie, c'est des objectifs contradictoires. Alors, okay. on a... sans qu'on en ait conscience, souvent, on a des objectifs qui sont conflictuels dans nos décisions. Hein. On voudrait bien, par exemple, si on fait des investissements, bon, on investit en bourse ou sur les marchés financiers, on voudrait bien sécuriser nos placements, hein, faire des placements qui sont sécures, mais de l'autre côté, maximiser aussi leur rendement. Ouais, c'est contradictoire, tout de suite, exactement, pas, ouais. exactement, Valérie. Tout de suite, on est dans la contradiction. Et ça, c'est un exemple commun, par exemple, pour le marché financier. En politique, c'est la même chose. Au niveau social. Alors, il y a toujours, toujours des objectifs qui sont conflictuels comme ça. Et là, on doit prendre des décisions malgré ces objectifs conflictuels. C'est ça, c'est ça. Et donc, ce que je viens de te dire là, les objectifs conflictuels, hein, le dynamisme, la complexité, toutes sortes de facteurs. Puis les conséquences qu'on a du mal à... Comme c'est complexe, une décision qu'on va prendre va avoir de multiples conséquences, puis on a du mal à les percevoir. Tout à fait, tout à fait. Tout un tas de conséquences qu'on ne prévoit... On a de la difficulté à prévoir. Hein. Mm. On se dit souvent, et ça, ça a été recensé dans la littérature en sciences cognitives, en prise de décision, les gens vont facilement avoir tendance à réfléchir en raisonnement causal linéaire. Hein. Ouais. On va se dire, bon, ben aujourd'hui, la situation est la suivante, et puis demain, ça devrait être à peu près la même chose, ça va avoir un petit peu évolué, mais ça va être linéaire. Tu sais. Mm. Or, ça fait fi des développements exponentiels qu'on prévoit pas, des fois. Mm. Les crises, hein, les crises qui nous surprennent, bon, on en a fait une écœurite aiguë de la COVID, mais tu sais, ça nous a surpris, ça a surpris le décideur public, le législateur, etc. Alors ça, c'est des choses qu'on ne prévoit pas, et qui sont communs dans les environnements du monde réel. Mm-hmm. Et ça nous amène, l'être humain étant ce qu'il est, hein, il est cognitivement limité, hein, il y a une capacité. On n'a pas cette capacité à appréhender toute cette complexité, toute cette interconnexion, ce dynamisme, on n'a pas cette capacité à l'appréhender. La capacité qu'on appelle, bon, computationnelle, là, des fois, là, on a de la difficulté à capter ça. Les recherches nous disent, par exemple, juste pour illustrer ça, qu'au-delà de 4 facteurs, hein, je parle de 3 à 4 variables là, différentes, mm-hmm. qu'on met ensemble dans un petit système, là, l'être humain, il n'est pas capable de se projeter. Il n'est pas capable de prévoir l'évolution de ce petit système-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui fait l'être humain dans des situations comme ça, qui sont l'apanage du monde réel, l'apanage des situations du quotidien, hein, mm-hmm. tout un tas de facteurs? Bien, on prend des raccourcis, hein, les raccourcis cognitifs, qu'on appelle en recherche, les heuristiques. Hein, un grand mot scientifique, tout simplement pour dire que ce sont des raccourcis cognitifs, hein, qui vont se baser sur certaines pièces d'information plutôt que l'ensemble de l'environnement. On va en privilégier sur certaines, exactement. En négligeant les autres, en faisant fi de leur existence, même si on en a connaissance, ou est-ce qu'on fait fi des éléments d'information qu'on ne connaît pas, ou est-ce qu'on fait fi aussi des éléments d'information qu'on connaît, mais pour se simplifier la vie, on en privilégie. Ben là, tu vois, c'est très très bon ce que tu dis, parce que tu fais un saut dans ce qu'on va discuter dans les prochaines minutes, c'est-à-dire le biais de confirmation, par exemple. Alors ça, c'est une façon de privilégier l'information, une façon de traiter de manière réductionniste l'information d'un environnement complexe. On va y revenir au biais de confirmation, qui est, je pense, un des biais les plus connus, hein, dans la littérature, que ce soit en sciences cognitives ou en sciences de décision. Et parfois, ces raccourcis-là, Valérie, nous amènent à des décisions biaisées, des biais cognitifs. Pas toujours, parce que des fois, il y a certains auteurs qui sont optimistes, hein, qui vont nous dire, par exemple, non, parfois, utiliser des raccourcis, ça va nous amener à des décisions qui sont adaptées à notre environnement, hein, dans des circonstances où est-ce qu'on peut pas traiter toute l'information. Bon, ben, ça sera pas la meilleure décision, mais ça va être une décision qui va m'aider à avancer. Hein, à pas rester dans le statu quo. Ouais. Faut prendre des décisions dans la vie, faut avancer, bon, etc. Alors, il y a ce côté-là, les optimistes qui disent ça d'un côté, et de l'autre côté, il y a les sceptiques qui nous disent, attention, les raccourcis cognitifs, dans certaines circonstances, ça nuit à la décision, puis ça nuit à la prise des décisions optimales. Alors, on pourra jamais prendre la meilleure décision. C'est ce que les sceptiques nous disent. Mais quand on s'intéresse un peu plus à la littérature là-dessus, on se rend compte que les deux ne partagent pas le même débat de toute façon. Il y en a qui disent, bon, on prend des décisions qui sont adaptées, sont optimistes, puis les autres disent, on prend des décisions avec des raccourcis qui sont négatifs, qui nous nuisent, puis ça nous amène pas à des décisions qui sont optimales. On n'est même pas sur le même pied quand on discute de ça. Et je vais peut-être te poser une question. Où se place la rationalité là-dedans, dans la décision? Ça, c'est un des plus beaux mots en sciences de la décision, galvaudé à tellement d'égards. La rationalité, je te dirais que c'est un problème définitionnel. C'est une définition. Les économistes, au départ, dans les années avant les recherches sur le comportement humain en psychologie cognitive, hein, avant la révolution cognitive du milieu du siècle, les économistes étudiaient la prise de décision humaine sur une perspective, et je suis content d'embarquer là-dedans parce que c'est important de le savoir, sans savoir tous les détails. Ils étudiaient la décision, les économistes néoclassiques, sur une perspective prescriptive. Ce que devrait être la meilleure décision dans l'environnement du monde réel. Mais ils en arrivaient avec des conclusions du genre, bon, ben, L'être humain est un maximisateur. Il va prendre la meilleure décision avec une connaissance pure et parfaite de l'information, etc. Maintenant, on sait, avec les évidences en psychologie cognitive, en sciences cognitives, que c'est pas le cas. Mm-hmm. Et toutes les recherches des 40, 50 dernières années en sciences cognitives, hein, avec ce qu'on a appelé la révolution cognitive, hein, qui était en quelque sorte l'analogie du cerveau comme un ordinateur, etc. Mm-hmm. Bon, ben, tous ces recherches-là, grosso modo, ça nous a amené à nous dire non. L'être humain, sous un modèle qui est descriptif, hein, plus que prescriptif, descriptif, l'être humain a des limites, il y a des failles, puis, dans certains égards, il prend des décisions qui vont lui nuire, qui sont biaisées. C'est ça. D'accord. Alors ça, vois-tu, ça c'est un peu la trame de fond pour comprendre où on s'en va en prise de décision, puis où ça nous mène parfois à des biais cognitifs. Ouais. Ah ouais. Puis je me demandais aussi, parce que là tu parles d'une décision, on va maximiser la décision, mais ça dépend pour qui aussi, donc là aussi, c'est pas forcément la décision optimale. C'est centré sur la personne qui prend la décision. Exact. Ou alors c'est peut-être considérant les autres variables pour que ce soit aussi une décision optimale pour les autres personnes. Ben, vois-tu, donc maximiser, ça veut plus dire grand-chose non plus. Ben, exact. Mais tu lis un point important. Ça, c'est des considérations de modèles statiques. Hein, en économique. Ah ouais. C'est des modèles statiques qui ne bougent pas, puis on appelle ça des modèles formels, puis ça nous indique ce que devrait être la meilleure décision, mais avec des variables qui sont fixes. Tu comprends? Il y a des facteurs qui sont fixes. Or, la réalité, c'est pas ça. On le sait que la réalité bouge. Ouais. On le sait que c'est si je prends une décision aujourd'hui, demain, je peux être éminemment surpris de quelque chose qui s'est passé durant la nuit, puis ça change tout mon stratagème décisionnel. Alors, on le sait que ça bouge. C'est pas statique, c'est pas un modèle. Et ça, c'est très important. Puis les évidences en sciences cognitives nous ont permis de se coller plus à la réalité de l'être humain en ce qui a trait à la décision dans le monde réel. Et là, il y a quelques raccourcis que je voulais te présenter ce soir. Ouais. Puis j'ai le goût avec toi, Valérie, si t'es d'accord, évidemment, faire un petit quiz interactif. Je te présenterai trois raccourcis cognitifs, c'est-à-dire la confirmation, l'heuristique de la disponibilité ou l'effet de la disponibilité, puis l'effet de statu quo. Je te donne des définitions de ces trois-là, puis après ça, j'ai deux mises en situation, puis on va essayer d'identifier lequel. Mais c'est assez... Je l'ai fait avec mes étudiants, fait que je pense qu'on va s'en tirer assez bien. Moi, j'ai pas suivi tes cours. non, c'est ça. Mais normalement, on devrait bien s'en tirer avec les définitions. Alors, vois-tu, je disais tantôt, puis n'hésite pas là, à m'interrompre s'il y a quelque chose. Le biais de confirmation, c'est quelque chose de tellement commun, hein? On parle souvent en sciences cognitives de confirmation, on en parle aussi en économique, on en parle en sciences politiques même de ce biais-là. Hein? Souvent, le biais confirmation en sciences politiques, ça va être l'idéologie, hein? Le biais idéologique. Hein? On est à gauche, on prend des décisions à gauche, on est à droite, on prend des décisions à droite, etc. Alors, c'est très commun. Et le biais de confirmation, en fait, c'est de chercher puis interpréter les informations en fonction d'une hypothèse de départ, hein? De nos croyances, de nos préjugés, nos a priori. Hein? Alors, on a notre hypothèse au départ, puis on va se dire, bon, je vais aller sur Google, là, puis là, je vais aller chercher telle information, puis là, je fais moteur de recherche, je rentre mes infos, puis là, le premier lien, hein, littéralement, là, le premier lien qu'on voit dans le moteur de recherche qui confirme nos a priori, j'avais raison. Hein? Ouais, c'est ça. Alors, ça, c'est le biais de confirmation qui est souvent associé, d'ailleurs, à un effet d'excès de confiance en soi. Hein? Uh-huh. Hein, on a tendance et ça, on voit ça souvent chez nos hommes et nos femmes politiques, hein, les excès de confiance en soi. Ouais. Ce sont des gens qui ont des grosses carapaces pour essayer de survivre aussi dans l'environnement politique. Mais souvent, on a un excès de confiance et ça fait en sorte que, bon, j'ai raison et je vais donc trouver les bonnes... je vais me justifier. Hein, je vais justifier ma position. C'est des gens pas très curieux, finalement, puis j'en fais peut-être partie. On a tous nos biais de confirmation. Exactement. Mais en même temps, on se limite à cette première sortie là, du moteur de recherche. Ah, ça confirme, ça va dans le sens que je pensais, donc c'est bien. Puis on est un peu fainéant et on va pas creuser en dessous, voir s'il n'y a pas autre chose. Oui, ça minimise aussi ce qu'on appelle la dissonance cognitive, là. C'est-à-dire que... Ah oui, on se préserve. Tout à fait. Ouais. On préserve, tu sais, l'incertitude, la peur qu'on pourrait avoir à trouver des éléments ou des preuves qui vont infirmer ce qu'on pense. Ouais. Alors, ça minimise Les curieux, ceux qui sont vraiment très, très, très curieux, vont vouloir gratter, voir s'il n'y a pas autre chose. Oui, puis ils vont être dans une espèce d'état de questionnement. Donc, il y a, ça, c'est le biais de confirmation. Hein? Un fumeur qui refuse de croire que la cigarette pourrait donner le cancer. Hein? Ouais. Puis là, il trouve une étude qui associe la cigarette puis l'absence d'Alzheimer. Hein? Il trouve quelque chose de positif pour la cigarette. Puis là, il se dit, bon, ben vois-tu, c'est pas si pire que ça, la cigarette. Ouais. Ça, c'est un exemple un peu bâclé, mais c'est ça, le biais de confirmation. Mm. On est là-dedans. L'heuristique de la disponibilité, notre deuxième, ça, c'est quelque chose de très solide au niveau empirique. Hein. Ça a été mis de l'avant dans les recherches de Daniel Kahneman et de Amos Tversky, qui sont deux chercheurs. Daniel Kahneman, qui a gagné le prix Nobel de la Banque de prix Nobel d'économique, en fait, hein, je pense au début 2000, je me rappelle bien, ou à la fin des années 90, pour ses travaux sur les différents heuristiques, notamment l'heuristique de la disponibilité. Et ça, ce que ça dit, c'est que c'est la facilité avec laquelle il va être possible de rappeler des informations en mémoire. Alors, on va se rappeler des informations, et si c'est facile de se les récupérer en mémoire, de se les rappeler, eh bien là, ça va être un heuristique, ça va être un raccourci. Hein? Quelque chose qui est difficile de se rappeler en mémoire, ah ben là, je l'utiliserai pas, cette pièce d'information-là, je vais utiliser autre chose qui est plus facile. Ah, oui. Il y a une espèce d'acronyme que Kahneman a mis de l'avant qui s'appelle COVERA, ce qu'on voit et rien d'autre. Hein? Ce qui est facilement récupérable en mémoire, c'est ce qu'on utilise pour prendre des décisions. Ça, c'est amplifié par le dialogue intérieur. Hein? Le dialogue intérieur, qui est un concept en psychologie, qui nous dit que à chaque jour que Dieu fait, hein, on va avoir tendance à se créer une trame narrative, hein, un scénario à nous. Et donc, cette disponibilité-là, elle est amplifiée par notre dialogue. Hein, ah, on rumine le machin, exact. Et la répétition. Tout à fait. C'est ça. On se répète le machin, puis on a tendance justement à se dire, bon, ben, ça existe parce qu'on s'en parle, hein. Bon, ouais, c'est ça. Mais on l'imprime dans la mémoire à ce moment-là, puis c'est ça qui va revenir plus facilement. Exact, par auto-répétition. Et, hein, c'est ça, exactement. Alors ça, c'est l'heuristique de la disponibilité, hein, c'est disponible en mémoire. Ouais. Et finalement, l'effet de statu quo, hein, le dernier que je vais explorer avec toi, puis il y en a d'autres, comme je te dis, on pourra certainement se consacrer peut-être un autre entretien ensemble pour aller en explorer d'autres, parce qu'il y en a tellement tout un tas d'heuristiques qu'on utilise au quotidien. Toi, moi, les collègues. À notre insu. À notre insu. Parfois de manière consciente, parfois de manière inconsciente. Alors, l'effet statu quo, c'est le fardeau de la preuve revient à celui ou celle qui souhaite transformer l'état actuel des choses. Hein. La personne qui veut changer les choses, hein, ben, c'est à elle de faire l'effort. Parce que sinon, on accepte le statu quo. Hein. Nature knows best. Ce qui est naturel est nécessairement bon. Hein. L'état des choses, hein, dans lequel on vit au quotidien, hein, ben c'est ce qui est bon. C'est ce qui est correct. Puis ça existe parce qu'il y a une raison pour pourquoi ça existe. Hein. Et ça aussi, ça vise à minimiser l'incertitude. Puis ça a tendance à favoriser l'inaction aussi. Hein. Quand on est dans le statu quo, ben, on se dit, bon, on se complaît en quelque sorte, hein, ouais, à ne pas trop bouger. Puis on se dit, bon, ben, si c'est comme ça, c'est que ça devrait être comme ça, etc. Alors ça, c'est mes trois heuristiques de ce soir. Puis là, j'ai des petites mises en situation un peu cocasses. Puis je veux que tu me dises à quel des trois ça te fait penser. Okay? Ouais. On se place à l'époque, en 1998. Ouais. Okay? Je te parle de Marc, qui est un homme d'affaires qui est brillant. Hein? Puis il y a quelques années, il a réalisé d'énormes profits grâce à des placements dans des sociétés de location vidéo. Là, tu me vois peut-être venir. Hein? Depuis, Marc, il refuse de revoir la nature de ses investissements sous prétexte que son intuition l'a bien servi par le passé. Alors, à quoi ça peut te faire penser, ça? Alors, attends que je me remémore, là, parce qu'il y avait donc la mémoire, là, mais donc je dirais que ce serait pas celui-ci. Ben, la résistance au changement, là, il veut pas changer. Exact. On est dans le statu quo avec ça. Le statu quo, voilà. C'est ça. Oui, parce que son intuition, par le passé, l'a bien servi, mais on pourrait même dire la disponibilité aussi à certains égards. Parce que... Puisqu'il s'est comporté d'une certaine façon, hein, dans sa vie, son dialogue intérieur, etc., amplifié par ses expériences, il s'est dit, bon, ben, qu'est-ce qui est disponible dans ma tête pour prendre telle décision? Ce que j'ai déjà fait, voilà. Mmh. C'est ça qui est récupérable facilement en mémoire. Mais en même temps, c'est le statu quo parce qu'on refuse de revoir la nature de nos investissements. Ouais. Et là, dans le domaine de la location vidéo, on sait ce qui s'est passé, par exemple, avec Blockbuster, hein, aux États-Unis. Il y a un excellent reportage, je pense, sur Netflix là-dessus. Mmh. D'ailleurs, Netflix, qui est un contributeur de la situation de l'industrie de la location vidéo. Alors, ça a craché, ça, hein, bon québécois. Et donc ça, dans ce cadre-ci, parce qu'il refuse, notre homme d'affaires brillant, Marc, de revoir ses investissements, ben, il y a une décision. C'est une décision qui est biaisée, qui va lui nuire. Oui, c'est ça, exactement. Voilà. Ouais, mauvaise décision. Mauvaise décision. Ouais. Deuxième mise en situation. C'est ma petite dernière. Je n'ai juste deux avec toi. Ouais. Que, Ah, mais c'est un échauffement pour d'autres fois. Oui, mais c'est ça, exactement. Exactement. 1977, un exemple tout aussi éloquent, là, quand même. Monique se lance dans le marché mondial des actions. Okay? Ouais. Puis après avoir écouté un reportage qui fait l'éloge de la nationalisation de l'amiante par le gouvernement du Québec, on est en 77, hein, on se rappelle, elle décide d'investir massivement dans des sociétés américaines d'amiante sur les marchés. Bon, à quoi ça te fait penser, ça? Je me disais que tu vas amener des choses qui vont, des éléments qui pourraient, elle pourrait voir des éléments disant que l'amiante c'est pas bon, mais elle les verra pas ceux-là. Ouais, ben, c'est ça, exact. Donc elle va voir au contraire peut-être des éléments comme quoi, ben là, investir dans l'amiante c'est bon, puis bon, c'est des bons isolants, et puis elle va voir toutes les bonnes propriétés de l'amiante, et elle aura un biais de confirmation envers ce qui la conforte dans son investissement, et elle ne verra pas tout ce qui pourrait lui faire dire, ouais, mais c'est peut-être pas si bon que ça, l'amiante. Ouais, mais vois-tu, c'est intéressant parce que là, encore une fois, ce choix-là, il pourrait être aligné vers deux type de biais. Ton biais de confirmation, c'est une excellente intuition que tu as là, parce que Monique, elle cherche les informations pour confirmer ce que probablement son a priori, ses préjugés de départ. Mais en plus, on est plus aussi sur la disponibilité, le raccourci de la disponibilité, parce qu'on dit dans la mise en situation, elle se lance dans le marché mondial des actions, puis elle vient d'écouter un reportage qui fait l'éloge de la nationalisation de l'amiante. Alors ça, c'est disponible dans sa tête. Hein. Souvent, on voit ça... On écoute le téléjournal du soir, télévisé du soir de la veille, puis un grand reportage éloquent sur un sujet, un enjeu, là, puis ça nous recharge, puis ça nous modifie un petit peu dans nos perspectives. Puis là, le lendemain, on prend des décisions en fonction de ce qu'on a vu la veille. T'sais. Alors ça, c'est la disponibilité. C'est carrément ça, c'est l'idée d'avoir des brides d'informations en mémoire qui sont facilement récupérables. Ah oui, je me rappelle de ce que j'ai vu la semaine dernière, puis qui motive une décision. Et dans ce cas-ci, encore une fois, dans la mise en situation, l'amiante, on sait ce que ça fait. Hein, pour le meilleur et pour le pire, dans le gouvernement Lévesque, quand ils ont nationalisé ça, ben on s'est bien rendu compte que ça causait le cancer, puis ça avait des impacts très, très majeurs sur les poumons, la respiration des particules d'amiante, etc. Alors ça, c'est un autre exemple de d'heuristique qui nous conduit à une décision qui est biaisée. Ouais, c'est vraiment fascinant parce que là, quand on les explique, quand on les analyse, oui, on comprend bien. Oui. Mais ceci dit, on en fait tous les jours des biais de confirmation. On prend des décisions nous-mêmes avec des biais de confirmation. Est-ce qu'on peut en être conscient? Et si on en est conscient, qu'est-ce que ça fait? Parfois, on en est conscient. Je te dirais que quand c'est prémédité, on a vu ça dans nos recherches un petit peu, par exemple, sur l'effet de l'idéologie. Hein. Des fois, il y a des politiciens ou des politiciennes qui prennent des décisions qui sont fortement marquées par l'idéologie. Hein. Ce sont des décisions qui sont campées, par exemple, dans le programme politique d'un parti. Bon, on va prendre une décision. Moi, je suis à gauche, par exemple, ou je suis à droite, je prends une décision à droite. Et on remarque qu'à court, moyen terme, avec le passage du temps, cette décision-là était mauvaise. Oui, elle a pu régler partiellement le problème pour lequel elle était dédiée, mais ça a engendré tout un tas d'autres problèmes. Hein. Pourquoi? Parce qu'on parlait du dynamisme et de l'interconnexion au départ, quand on parlait des attributs des environnements complexes. Alors, c'est beaucoup plus complexe, sans faire de mauvais jeu de mots, qu'une décision prise de manière statique, où est-ce que je suis à un point X, puis je veux régler un problème Y, puis je prends cette décision-là, puis ça va se régler facilement. Non, ça va avoir un impact sur Z, sur B, sur C, etc. Mais dans le cas du statu quo, par exemple, on pourrait se remettre en question, par exemple, se dire, bah non, ça c'est la voie de facilité, je vais continuer à faire la même chose parce que c'est ce que je connais, mais il est assez limpide, celui-là, a priori. On pourrait se remettre en question, puis dire, bah non, c'est peut-être le moment d'explorer autre chose. Mais c'est comme si on était fainéant. Si on était fainéant, Tout à fait, ça, t'apportes un bon point. La fainéantie, en tout cas, je sais pas si on peut souligner ça comme ça, mais tu sais, être fainéant, c'est parce que ça prend un effort cognitif faire ça. Exactement. Ça prend un effort de traitement de l'information. Et c'est pas un effort physique, là, on s'entend, mais c'est un effort quand même. Un effort cognitif. Faut chercher l'information, intellectuel. Faut l'analyser, après, faut en faire quelque chose. Exactement, il faut l'utiliser. Mais là, ça complexifie la chose. Écoute, et on se retrouve devant... C'est ça. Puis souvent, on dit... tu sais, ça, c'est un défi pour les chercheurs dans notre discipline, en sciences cognitives ou en prise de décision, de tenter d'aider les décideurs, d'aider les gens qui sont en situation de décision à prendre de meilleures décisions. Puis ce qu'on leur dit d'entrée de jeu, c'est tenter de vous exposer à différentes sources informationnelles, différentes sources d'informations. pas tous à la même tribune. Ouais. Essayez de vous trouver. Et je parle pour différents angles d'attaque. Je pense, mon dada, c'est souvent la politique, mais je dis souvent les décideurs publics, le législateur, quand ils prennent une décision, très bien l'idéologie, très bien son parti, très bien ses conseillers politiques qui vont lui donner des informations, qui vont lui prémâcher l'information d'un côté, mais aussi les groupes d'intérêt. Mais aussi le téléjournal du soir, oui. Le quotidien qui va avoir tendance à infirmer son billet, à se confronter à des sources d'informations qui pensent à l'inverse de nous, etc. Alors, plusieurs sources d'informations. Ouais. C'est un effort, ça demande un effort, effectivement. Sauf que, en même temps, ça fait en sorte qu'on, en tout cas, pour le meilleur et pour le pire, là, on est capable d'avoir le plus d'informations possible pour prendre la meilleure décision. Mais c'est pas facile. Non, c'est ça, c'est pas facile. Ouais. Mais écoute, Benoît, je pense que tu as bien mis la table pour les futures chroniques, je pense. Oui, c'était un plaisir de venir à ton micro, c'est super. Si ça te tente, hein, moi, je te repropose le micro une prochaine fois pour que tu me proposes des devinettes sur les... Oui, ben oui, absolument, je t'en ferai d'autres. Merci, Madame Levé, c'est très gentil. Alors, merci beaucoup. Tu peux m'appeler Valérie, s'il te plaît. Parfait, super, super. Merci beaucoup, Monsieur Béchard. Oui, merci. Alors, nous étions en compagnie de Benoît Béchard, qui est docteur en psychologie de la décision et chercheur au laboratoire CODOT de l'Université Laval.